إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue. Aujourd'hui c'est le cours numéro 6 dans Al-Mulakhas al-Fiqhi du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on est arrivé au chapitre de Ahkam al-Ghusl, Babun fi Ahkam al-Ghusli, c'est-à-dire un chapitre qui parle des règles du Ghusl, comment se purifier des impuretés majeures. Le Cheikh il dit: عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر جنابة كان أو حيضا أو نفاسا وهذه الطهارة تسمى بالغسل بضم الغين وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها. Donc le Cheikh il dit, maintenant que tu as appris les règles de la purification pour les petites impuretés, les impuretés mineures, et qu'est-ce qui les annule, qu'est-ce qui annule le wudu et donc ces choses-là. Donc maintenant tu vas apprendre, tu as besoin d'apprendre les règles de la purification pour les impuretés majeures, que ce soit pour cause de janaba, c'est-à-dire après avoir eu des rapports sexuels, ou bien que ce soit à cause d'une impureté majeure causée par al-hayd, c'est-à-dire les menstruations, ou bien al-nifas, c'est-à-dire les écoulements de sang après les accouchements. Wa hadhihi at-taharatu tusamma bil-ghusli. On l'appelle ghusl, c'est-à-dire la purification des impuretés majeures, on appelle ça al-ghusl, c'est-à-dire de se laver. Et c'est-à-dire, le cheikh il dit que c'est d'utiliser de l'eau sur tout le corps dans une façon spécifique, et il dit que ça, on va l'expliquer de façon détaillée bientôt. Donc le cheikh il dit: والدليل على وجوبه قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا. Donc le cheikh il dit que la preuve de l'obligation du ghusl, c'est dans le verset, dans surat al-Ma'idah, le verset 6, qui dit, il y a une partie dans ce verset là qui dit: et si vous êtes junub, c'est-à-dire que vous avez eu des rapports sexuels, ou bien que vous avez une éjaculation causée par un rêve ou des choses comme ça, alors purifiez-vous, fattaharu. Et le cheikh il dit: wa qad dhakara, purifiez-vous si vous êtes junub. Et après il dit: وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولا في به في الجاهلية كان معمولا به في الجاهلية وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم. Il dit que certains ont mentionné que le ghusl, après avoir eu des rapports sexuels, c'est quelque chose que les gens faisaient même avant l'islam. C'était quelque chose qui restait de la religion d'Abraham, qui était resté parmi les Arabes de la religion d'Abraham. Wa mujibatul ghusli sittatu ashiya. Il y a 6 choses qui rendent le ghusl obligatoire. إذا حصل واحد منها وجب عليه أو على المسلم الاغتسال. Si une de ces six choses se produit, alors c'est obligatoire pour le musulman de se laver, de faire le ghusl, c'est-à-dire de se purifier de la purification majeure. Et il dit أحدها خروج المني من مخرجه من الذكر من مخرجه من الذكر أو الأنثى. Donc il dit c'est lorsqu'il y a une éjaculation de sperme, que ce soit de l'homme ou de la femme. ولا يخلو إما أن يخرج من في حالة في حال اليقظة ولا يخلو إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم. فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه. فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل. الشيخ الزي pour que يعني pour que par exemple non le cheikh dit premièrement c'est soit que le sperme sort en état d'éveil ou durant le sommeil. Si il sort durant l'éveil, comme il y a une condition pour que pour qu'on soit obligé de faire le ghusl. Et cette condition, c'est qu'il sorte avec un certain plaisir. Lorsque le sperme sort, il faut qu'il y ait un plaisir, qu'on ressente un plaisir au moment de son évacuation. Donc c'est pour ça les ulama ils disent biladatin. Il faut qu'il sorte avec une sensation de plaisir. S'il sort comme ça sans qu'il y ait de plaisir, qu'on ressente aucun plaisir lorsqu'il sort, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme quelque chose qui rend obligatoire le ghusl. On fait seulement le wudu normal. Ok? Et le cheikh il dit ensuite فَإِنْ خَرَجَ بِدُونِ لَذَّةِ نَعَمْ كَالَّذِي يَخْرُجُ بِسَبَبِ مَرَضٍ أَوْ عَدَمِ إِمْسَاكِ. Donc peut-être que ça peut être causé par une maladie. Le cheikh il dit que soit parce que c'est causé par une maladie ou bien parce que yani, quelqu'un peut pas le, il n'a pas pu le retenir et c'est sorti sans qu'il y ait aucun plaisir. Donc dans ce cas-là, c'est quelque chose qui fait que t'es pas obligé de faire le ghusl dans ce cas-là. Souvent, quand il y a une éjaculation qui est causée par une maladie, c'est ça. Donc, ça sort sans qu'il y ait de plaisir. Et ça, c'est particulièrement pour les cas où on est en état d'éveil. Ensuite, le cheikh il dit وَإِنْ خَرَجَ فِي حَالِ النَّوْمِ وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالِاحْتِلَامِ وَجَبَ الْغُسْلُ مُطْلَقًا لِفَقْدِ إِدْرَاكِهِ. Le cheikh il dit si ça sort par contre durant le sommeil, ce qu'on appelle en arabe ihtilam, en anglais on appelle ça wet dream, c'est lorsque tu fais un rêve, tu rêves de quelque chose et puis durant ton rêve tu as une éjaculation. Donc dans ce sens, dans ce cas-là, c'est obligatoire de faire le ghusl. Pourquoi? Parce que tu as perdu ta conscience ou tu n'es pas conscient. Et le cheikh il dit وَقَدْ لَا يَشْعُرُ بِاللَّذَّةِ فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل وإن احتلم ولم يخرج منه مني ولم يجد له أثرا لم يجب عليه الغسل. Donc le cheikh il dit lorsque tu dors tu peux pas toujours te souvenir est-ce que tu as eu du plaisir lorsque tu as eu cette éjaculation là ou non. Alors dans ce cas là c'est obligatoire de faire le ghusl quand même, même si tu t'en souviens plus. Et lorsque tu te réveilles, par exemple, et que tu trouves qu'il y a des traces de sperme, alors dans ce cas-là, tu dois faire le ghusl. Et si, par exemple, tu as eu une ihtilam, tu as eu un rêve, et que t'as vu des choses, et puis, par contre il n'y a pas eu d'éjaculation et que tu n'as pas trouvé aucune trace de sperme, alors dans ce cas-là c'est pas obligatoire de faire le ghusl pour ces cas-là. D'accord, ça y est pour la première cause ou la première chose qui rend obligatoire le rasoul. La deuxième chose qui rend obligatoire le rasoul, le cheikh il dit wa min mujibat al rasoul ilaj al dhakari fi al farj wa law lam yahsul inzal. Le cheikh il dit si il y a parmi les choses qui rendent obligatoire le rasoul, c'est la pénétration des organes génitaux et même s'il n'y a pas d'éjaculation, d'accord, à cause du hadith rapporté par Muslim. Le cheikh il dit l'hadith alladhi rawahu muslimun wa ghayruh an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha jalasa bayna shu'abiha al-arba' thumma massa al-khitan al-khitan faqad wajaba al-ghusl. Le cheikh il rapporte le hadith rapporté par Muslim et al-Bukhari selon Aisha radiyallahu anha et également rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. Ça dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'homme s'assoit ou se met en position sur sa femme ou bien sur la femme, il y a une expression qui est utilisée ici, yani, mais c'est-à-dire lorsqu'il se pose en position pour avoir des rapports sexuels avec sa femme et que l'endroit qui est circoncis pénètre dans la partie de la femme qui est circoncis, bon, c'est ça qui est écrit dans le hadith, eh ben c'est obligatoire de faire le ghusl. Idha altaqa al-khitanan wajab al-ghusl. Ça c'est une autre version du hadith, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une pénétration du pénis de l'homme dans la femme, dans le vagin de la femme, automatiquement c'est obligatoire de faire le rasoul même s'il n'y a pas d'éjaculation. Le cheikh il dit فيجب الغسل على الواطي والموطوء بإلاج بالإلاج ولو لم يحصل إنزال لحديث لهذا الحديث ولإجماع أهل العلم على ذلك. Donc la preuve de ça c'est le hadith qu'on a mentionné et l'ijma de Ahl al-Ilm, le consensus des savants de l'islam. Le troisième chose qui rend obligatoire le rasoul, min mujibat al-rasoul, inda ta'ifatin min al-ulama, islam al-kafir, idha aslam al-kafir, wa wajaba alayhi al-rasoul, li'anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, amara ba'da al-lazina aslamu, an yartasilu. Donc le cheikh il dit, la troisième chose qui rend obligatoire le rasoul, selon une partie des ulama, c'est lorsqu'un kafir entre dans l'islam. C'est obligatoire de faire le rasoul selon certains ulama, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commandé à certains d'entre eux de faire le rasoul lorsqu'ils se sont convertis. Et ça c'est rapporté dans des hadiths comme le hadith de Qais ibn Asim lorsqu'il s'est converti à l'islam, le hadith de l'histoire de sa conversion, et également c'est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, et c'est rapporté par selon d'autres sahaba également. Ensuite le cheikh dit ويرى كثير من اهل العلم ان اغتسال الكافر اذا اسلم مستحب وليس بواجب لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يامر به كل من اسلم فيحمل الامر به على الاستحباب جمعا بين الادله والله اعلم. Donc le cheikh il dit que plusieurs parmi les ulama considèrent que le rasoul pour le kafir lorsqu'il se convertit c'est uniquement recommandé et non obligatoire, il se base sur le fait que ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il commandait à chaque personne qui se convertissait de faire le rasoul. Donc on le prend comme étant une preuve, on prend ça comme étant une preuve pour dire que c'est uniquement recommandé dans le but de réunir ou de réconcilier les preuves à ce sujet-là. Et il dit « Wallahu a'lam ». Quatrième chose qui rend le rasoul obligatoire, le cheikh dit « Min mujibat al-rusli al-mawtu, fayajibu tarsilu al-mayyit, ghayra al-shahid fi al-ma'raka, fa'innahu la yughassal, wa tafasilu thalika ta'ti fi ahkam al-jana'iz, insha'Allah ». Donc le cheikh dit quatrièmement, c'est une des choses qui rend le rasoul obligatoire, c'est la mort. Il dit que c'est obligatoire de laver le corps du mort. Et le cheikh il dit sauf le shahid, c'est-à-dire sauf le martyr dans le combat. Pour lui, il n'y a pas, c'est pas nécessaire de faire le rasoul pour lui. Et il dit que les détails de cette question-là vont être discutés lorsqu'on va parler des règles des funérailles yani dans l'islam. Inch'Allah. Après, le cheikh il dit al-khamisu wa-sadis, les cinquième et sixième choses qui rendent le rasoul obligatoire, c'est al-hayd wa-nifas. Al-hayd, c'est les menstruations, et al-nifas, c'est les écoulements de sang après l'accouchement. Donc, le cheikh dit wa min mujibat al-ghusl al-hayd wa-nifas li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam idha aqbalat haydatuki fad'i as-salah wa idha adbarat faghsili 'anki ad-dam thumma salli. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, yani, lorsque tu vois que tes menstruations sont commencées, alors tu laisses la prière. Et lorsqu'elles sont finies, tu te laves, hein, tu fais le rasoul et tu te nettoies du sang et tout ça, toutes ces choses-là, et puis tu peux faire ta prière. Et après, le cheikh dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا تَطَهَّرْنَا. Ça c'est dans Surat al-Baqarah, le verset 222, et ça prouve que l'obligation de pour la femme de se purifier après ses menstruations. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. Ça c'est le verset 222 dans Surat al-Baqarah. وَيَعْنِي الْحُيَّضُ يَتَطَهَّرْنَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْحَيْضِ. Donc, c'est-à-dire que les femmes qui ont leur menstruation, elles se purifient en se lavant, en faisant le rasoul après que leur règle ou leur menstruation soit terminée. Maintenant, le cheikh, il commence à expliquer les règles de rasoul, comment le faire de la façon complète. Sifatul rasoul al-kamil. An yanwiya bi qalbihi thumma yusammi ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه. Donc premièrement, qu'est-ce qu'il fait pour faire le, quand il veut faire le rasoul, il doit avoir en son cœur l'intention, ok, l'intention de se purifier dans le but de pouvoir faire la prière ou de faire qu'est-ce qu'il veut faire d'adoration. Et donc il dit ensuite bismillah, ok. Et il commence à laver ses mains trois fois et à nettoyer ses parties génitales. Ensuite, le cheikh il dit ثُمَّ يَتَوَضَّ وُضُوءًا كَامِلًا. Puis ensuite, il fait son wudu d'une façon complète, comme on l'a décrit lorsqu'on a parlé du wudu. Ensuite, le cheikh il dit ثُمَّ يَحُثُّ الْمَاءَ على رأسه ثلاث مرات ويروي أصول شعره أصول شعره. Puis il prend trois fois de l'eau dans ses mains et il le verse sur sa tête, hein, en frottant à la racine des cheveux, d'accord, en frottant avec ses doigts la racine de ses cheveux, le cuir chevelu. Ensuite, il dit ثم يعم بدنه بالغسل ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه. Donc le cheikh il dit puis il frotte avec sa main, il fait en sorte que tout son corps soit atteint par l'eau, et il frotte avec sa main partout sur son corps pour que l'eau arrive partout. Ensuite, il dit والمرأة الحائض والنفساء أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس, أما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار, ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء. الشيخ explique, il dit que la femme qui a les menstruations et les règles, il dit qu'elle doit défaire ses tresses si elle a des tresses, pour le ghusl lorsqu'elle a ses règles et ou des écoulements après l'accouchement. Toutefois, yani, à ce sujet-là, comme le cheikh il dit par la suite, amma al-janaba fala tanqudahu. Pour le tanqudahu, pour l'impureté qui est causée par une janaba, c'est-à-dire lorsqu'il y a des rapports sexuels, elle n'est pas obligée de défaire ses tresses parce que c'est trop, ça peut arriver souvent qu'elle doit le faire à chaque fois, donc c'est très compliqué de le défaire à chaque fois. Et il dit le cheikh, il faut par contre qu'elle fasse en sorte que l'eau atteigne les racines de ses cheveux, c'est-à-dire le cuir chevelu. Mais par contre, il y a un détail à ce sujet-là, c'est que en ce qui concerne le fait de défaire les tresses, c'est seulement recommandé. C'est seulement recommandé de le faire pour les menstruations et les nifas. C'est pas nifas, c'est-à-dire les écoulements post-natal. C'est pas obligatoire de le faire parce que il y a des hadiths qui mentionnent que c'est pas obligatoire. Donc les ulama ont expliqué que c'est pas obligatoire de le faire dans les deux cas, yani. Et ni pour le janaba ni pour al hayd. Et après le cheikh il dit wa yajibu ala al mughtasili rajulan kana aw imra'atan أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما. Donc le cheikh il explique ici et il dit il est obligatoire pour la personne qui se lave, qu'il soit ou qui fait le ghusl, qu'il soit un homme ou une femme, de faire en sorte que l'eau atteigne bien comme il faut le cuir chevelu, hein, la racine des cheveux, et également les endroits de son corps, comme par exemple son nombril et les plis des en dessous, les plis des genoux, les plis des, il y en a partout où il peut y avoir des plis pour faire en sorte que l'eau atteigne tous les espaces de son corps et les replis de son corps également, d'accord. Et ensuite il dit, le cheikh il dit, si la personne porte une montre ou une bague, alors il doit faire en sorte qu'il la bouge, hein, pour faire passer, pour être sûr que l'eau passe en dessous, ok. Et ensuite il dit wa hakadha yajibu an yahtamma bi isbar al ghusli bi haythu la yabqa min badanihi shay'un la yasilu ilayhi al ma. Cheikh il dit, et c'est important de faire attention de bien compléter son ghusl pour que rien de son corps ne reste sans que l'eau l'ait atteint. OK. Et il dit ensuite qala sallallahu alayhi wa sallam تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر رواه أبو داود والترمذي. Donc il mentionne un hadith qui est rapporté par Abu Dawud et al-Tirmidhi selon Abu Huraira, également Ibn Majah, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sous chaque cheveu ou chaque poil il y a une janaba, donc il faut laver chaque poil et la peau. Mais ce hadith est daif, donc yani c'est pas un hadith qui est une preuve. Toutefois le point est quand même c'est-à-dire cette position est vraie quand même, et il y a d'autres références qui l'affirment qu'il faut laisser aucune partie de notre corps sans que l'eau l'ait touché. Ça c'est prouvé par plein d'autres hadiths. Le cheikh il dit wala yanbari an yusrif fi sabb al ma فالمشروع تقليل الماء مع الإصبار فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضى بالمد ويغتسل بالصاع فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف. Donc le cheikh il dit qu'il ne faut pas exagérer avec l'eau lorsqu'on fait le ghusl, et il dit que dans la charia c'est commandé de diminuer l'eau le plus possible, de ne pas utiliser trop d'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait son wudu avec une moud, c'est-à-dire la quantité de deux mains collées ensemble, hein, et il faisait le rusul avec une sa', et une sa', c'est environ 5 moud, donc 4 ou 5 moud. Donc ça veut dire que il utilisait vraiment pas beaucoup d'eau pour faire son rusul, et il n'utilisait pas non plus beaucoup d'eau pour faire son oudou. Donc il dit le chef que c'est bon de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait qu'il utilisait peu d'eau et qu'il n'exagérait pas. Et la question de la quantité d'eau qu'il utilisait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait son rusul et son oudou, c'est mentionné dans un hadith rapporté selon Anas dans Al-Bukhari Muslim. Donc ça c'est, vous pouvez retourner pour voir si vous voulez les détails. Ah oui, tout à l'heure, je m'excuse, avant d'oublier ça, subhanallah. Le rusul que le cheikh a expliqué tout à l'heure, c'est le rusul qui est détaillé, parce qu'il y a le rusul qu'il a expliqué, qui est le rusul complet, qui implique qu'on le fasse avec le wudu. Et il y a un autre, le minimum obligatoire, et c'est que quelqu'un... il fasse al-madmada ou al-istinshaq, il rentre l'eau, il met l'eau dans son nez et dans sa bouche, comme on fait dans le wudu, et puis il s'immerge dans l'eau, ou bien il se met sous l'eau et il frotte partout sur son corps. Si la personne fait ça, c'est suffisant. C'est comme si il a fait le rusul. Ça, c'est le minimum obligatoire. Toutefois, si quelqu'un veut faire le rusul parfait, complet, eh bien, il fait tel qu'on l'a décrit tout à l'heure. Ça, j'avais oublié de mentionner. Puis le cheikh, il ne l'a pas mentionné dans ce livre-là. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pensé à ça, mais c'est très important de le savoir. Après, le cheikh, il dit « كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُغْتَسِلْ أَنْ يَسْتَتِرَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَغْتَسِلَ عُرْيَانًا بَيْنَ النَّاسِ لحديث إن الله حيي ستير أو ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر رواه أبو داود والنسائي. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que c'est obligatoire pour la personne qui fait le rusul de se couvrir, hein, de faire en sorte qu'il est couvert, et que, c'est-à-dire, quand je dis se couvrir, il doit se cacher, hein, des gens. Il doit être caché, soit par un rideau ou quelque chose, faire en sorte que les gens vont pas voir sa nudité. D'accord? Parce que c'est rapporté dans un hadith, rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i, que Allah subhanahu wa ta'ala, est timide et il aime, la timidité et as-sitr. C'est-à-dire, il aime qu'on se couvre, qu'on se cache, yani. Donc, si l'un d'entre vous se lave, alors qu'il se cache, ou bien qu'il se couvre comme il faut, de faire en sorte que les gens ne vont pas le voir lorsqu'il est nu. Hein. Et le cheikh il dit ensuite, et bien entendu ça quand on parle de quand il est nu, excepté si une personne est avec son épouse, il n'y a pas de problème pour les deux époux de se regarder et de se voir nus. Ça, c'est aucun problème. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le rusul avec ses femmes et il mettait le contenant d'eau entre eux. C'est-à-dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il mettait le contenant d'eau devant lui et Aïcha devant lui, et il faisait le rusul ensemble, en même temps, dans le même contenant. Et Aïcha radiallahu anha, elle explique que leurs mains se touchaient dans l'eau, et que des fois ils faisaient la course, pour savoir qui allait terminer en premier. Et donc les ulama ont pris de ça que c'est permis pour l'homme et pour la femme de se regarder et de se voir nu sans aucun problème. Mais quand on dit qu'on doit se couvrir des regards des gens, c'est-à-dire les gens qui sont autres que notre femme, hein, et il y a des choses de ce genre. Donc ok, donc alhamdulillah. Et le cheikh il dit ensuite, wal ghuslu min al hadath al akbar amanatun min jumlat al amanat allati bayna al abd wa bayna rabbih yajib alayhi an yuhafiz alayhi wa an yahtama bi ahkamihi ليؤديه أو ليؤديه على الوجه المشروع وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته سأل عنه ولا يمنعه الحياء من ذلك فإن الله لا يستحي من الحق والحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم وهو جبن من الشيطان ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه. Donc le cheikh il expliquait, il dit que le ghusl pour les impuretés majeures, c'est quelque chose qui fait partie des gages yani, dont le serviteur est responsable entre le serviteur et son seigneur. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il doit faire en sorte qu'il la préserve sa pureté et qu'il se purifie comme il faut. Et donc il doit la garder et il doit donner de l'importance à connaître bien comme il faut les règles qui se rapportent à ça et de le faire de la meilleure façon qui a été commandée par Allah subhanahu wa ta'ala de le faire. Et toute chose qui est compliquée pour une personne, c'est-à-dire si quelqu'un n'a pas compris quelque chose en ce qui concerne les règles et les obligations du rasoul, alors le cheikh il dit que c'est obligatoire dans ce cas-là de poser la question, aux ulama, et il ne faut pas que la gêne ou la timidité t'empêche de poser des questions en ce qui concerne ces choses-là de la religion, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas gêné de la vérité. Et comme le cheikh il explique, il dit la timidité qui empêche une personne d'apprendre et de poser des questions sur les choses de sa religion, c'est une timidité qui est blâmable, c'est pas une timidité qui est glorifiable ou glorifiée. Et c'est une sorte de comment je pourrais dire, djobun. C'est-à-dire la personne qui est comme ça, qui a peur de, ou qui est gêné de poser des questions sur les choses de sa religion, c'est une peur, une sorte de peur qui est causée par le shaitan. Et le shaitan met cette peur-là dans les gens dans le but de les éloigner et de les rendre paresseux, yani, de poser des questions pour parfaire leur religion et leur connaissance des règles qu'ils doivent obligatoirement connaître. Et il y a des hadiths qui mentionnent que la haya afiddin, dans la religion il n'y a pas de gêne, dans la religion de poser n'importe quelle question. Et Aïcha radiallahu anha, elle a dit au sujet, si je ne me trompe pas, des femmes des Ansar, elle les a glorifiées en disant leur gêne ne les empêche pas d'apprendre leur religion, c'est-à-dire leur gêne ne les a pas empêchés d'apprendre la religion. D'accord. Donc, ensuite, le cheikh il dit: "Wa amru at-tahara 'azimun, wat-tafriṭu fi sha'niha khatīrun, li'annaha tatarattabu 'alayha siḥḥatu ṣ-ṣalāh, wa hiya 'umud al-Islām. Nas'alullāh lanā wa li jami'i al-muslimīna al-baṣīrata fī dīnihī wa al-ikhlās lahu fī al-qawli wa al-'amal." Donc, le cheikh il dit, en ce qui concerne la question de la pureté, c'est une question qui est grande, très importante, et de la négliger, eh ben c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ça implique que ça a un rapport avec la validité de ta prière. Hein? Si t'es pas pur, ça implique que ta prière ne sera pas acceptée. Et la prière, c'est le pilier de la religion. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les musulmans la connaissance et la clarté dans la religion et la sincérité dans les paroles et les actions. Ensuite, on arrive à un autre chapitre qui est Babun fi ahkam at-tayammum. Maintenant, on arrive dans un chapitre qui parle des règles du tayammum. Donc, le cheikh il dit: Inna Allah subhanahu wa ta'ala qad shara'a at-tatahhur للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا وهذا واجب لا بد منه مع الإمكان ولكن قد تعرض حالات يكون الماء فيها معدوما أو في حكم المعدوم أو موجودا ولكن يعتذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية وهنا قد جعل الله ما ينوب عنه وهو التيمم بالتراب تيسيرا على الخلق ورفعا الحرج. Le cheikh il explique ici, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous la purification de pour la prière, la purification des deux formes d'impureté, qu'elles soient majeures ou mineures. Et il nous a donc légiféré d'utiliser de l'eau. Hein, et il a fait descendre cette eau-là pour nous comme une source de purification. Et c'est obligatoire de l'utiliser, d'utiliser de l'eau tant que c'est possible. Mais il peut y arriver des situations où l'eau n'est pas présente, c'est-à-dire là où on n'a pas d'eau. Il y a des situations où on ne peut pas trouver de l'eau, ou bien même s'il y en a, c'est comme si on ne peut pas l'utiliser, ou bien on est excusé de ne pas l'utiliser pour une raison valable, légale, islamiquement. Donc, le cheikh dit, donc Allah nous a donc donné quelque chose qui peut remplacer l'eau lorsqu'on n'en a pas. Et il dit que c'est at-tayammum avec la terre, de faire le tayammum avec la terre. Et ça c'est pour simplifier et pour faciliter les choses pour la création et pour enlever toute difficulté dans la question de religion. Et le cheikh il dit ensuite, il mentionne le verset dans Surat Al-Ma'ida, le verset 6, et c'est le verset de référence dans tout ce qui a rapport avec le wudu et le ghusl. Il dit, يقول تعالى في محكم تنزيله, نعم, pour revenir au verset, le cheikh dit, يقول الله تعالى في محكم تنزيله, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد الله ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. Ça dit, il a dit dans la traduction, ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes junub, donc ça veut dire vous avez eu des rapports sexuels et vous êtes impur, ou bien vous avez une éjaculation ou un ihtilam, alors purifiez-vous par un bain, c'est-à-dire en faisant le ghusl. Et mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient d'avoir fait ses besoins, ou si vous avez eu des rapports avec votre femme, des rapports sexuels avec votre femme, et que vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Vous pouvez utiliser de la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes ou difficultés, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Donc ça c'est le verset qui est mentionné comme preuve pour la permission d'utiliser la terre comme purification. Et le cheikh il dit, « وَالتَّيَمُمُ فِي اللُّغَةِ الْقَصْدِ وَالتَّيَمُمُ فِي الشَّرْءِ هُوَ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِصَعِيدٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ » Il dit que « التَّيَمُم » dans la langue arabe, c'est d'avoir une intention, c'est l'intention, et « التَّيَمُم » dans la charia, c'est de frotter le visage et les deux mains avec de la terre, et le visage également, les deux mains et le visage, d'une manière particulière qui est décrite dans le Coran et la Sunna. Donc le cheikh il commence et il dit كما هو ثابت في القرآن الكريم وهو ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وهو فضيلة لهذه الأمة المحمدية اختصها الله به ولم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا منه إليها. Il dit que c'est établi par le Coran et c'est établi également par la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et par le consensus de la Ummah que, et il dit que c'est une des grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et une particularité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans le fait qu'il nous a rendu la terre comme purifiante pour nous et il ne l'avait pas fait pour aucun autre avant nous et ça c'est pour augmenter et pour élargir la yani le bien qu'il a fait sur nous et pour nous montrer du bien, hein, nous faire preuve de bonté envers sa Ummah. Donc il mentionne comme preuve de ça qu'est-ce qu'il rapportait. Il dit wa fi sahihayni wa ghayrihima qala sallallahu alayhi wa sallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu bil ru'b masirata shahr وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Donc وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره. Donc le cheikh il dit que dans les deux sahih de Al-Bukhari et Muslim selon Jabir il y a le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit on m'a donné cinq choses qu'on n'avait pas donné à aucun autre prophète avant moi. Et c'est-à-dire la première chose qu'il mentionne, c'est qu'on m'a donné la victoire sur les peurs par la crainte qui est envoyée à la distance d'un mois, hein, distance d'un mois à l'avance. Et c'est-à-dire la crainte qu'Al-Ru'b, la peur que Allah subhanahu wa ta'ala met dans le cœur des ennemis. Et c'est de la distance d'un mois. Ensuite, il dit et on a Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour moi la terre comme étant un lieu de prière et et une source de purification. Donc n'importe quelle personne de ma Umma n'importe quelle personne de la Umma qui arrive un moment et que la prière arrive et qu'il est quelque part, il peut prier là où il est. Hein? La terre est une masjid et elle est un tahour, elle est une masjid, c'est-à-dire il peut prier dessus et il peut se purifier avec s'il n'y a pas d'eau. Donc le cheikh il dit fat tayammum badal taharat al ma' inda al 'ajzi anhu shar'an. Donc il dit que le tayammum remplace l'eau lorsque on n'est pas capable de l'utiliser et il donne un exemple. Ensuite il explique, après il va donner les exemples. Il dit yuf'alu bit-tatahhur به كل ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا قال عليه الصلاة والسلام وجعل تربها يعني الأرض لنا طهورا أخرجه مسلم من حديث حذيفة. Donc le cheikh il dit que le tayammum, comme on a dit, ça remplace l'eau et on peut faire avec le tayammum tout ce qu'on peut faire avec le wudu ordinaire lorsqu'on peut le faire. Comme par exemple de faire la salat, de faire le tawaf, de lire le Coran et toute autre chose de ce genre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le wudu ordinaire? On peut le faire avec le tayammum également. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait du tayammum une purification, comme il a fait l'eau une purification, et comme il a fait de l'eau une source de purification. Et il mentionne un hadith qui dit que la terre a été rendue on a fait de la terre une source de purification pour nous. Non. Après, il explique les règles qui concernent at-tayammum et tout ce qui a rapport avec ça. Il dit yanoubu at-tayammum 'anil ma' fi ahwal. C'est-à-dire quand est-ce qu'on peut utiliser le tayammum, dans quelles circonstances, dans quel cas. D'accord? Donc il commence et il explique et il dit awwalan idha 'adima al-ma' aw 'udima al-ma' li qawlihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu. Il dit lorsque il y a pas d'eau. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 6 de Al-Ma'idah, et vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum. Ok? Sawa'a adimahu fil hadari aw safar wa talabahu falam yajidhu. Peu importe qu'il l'a pas trouvé lorsqu'il est en voyage ou qu'il l'est pas en voyage, qu'il soit en voyage ou non, si il a cherché, il l'a pas trouvé, alors, dans ce cas-là, il considère qu'il n'y en a pas, puis il fait le tayammum. Deuxièmement, ثانياً, إذا كان معه ماء يحتاجه للشرب والطبخ فلو تطهر منه لأضر حاجته بحيث يخاف العطش على نفسه أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين. Donc il dit, deuxièmement, s'il a de l'eau, toutefois il en a besoin pour boire ou pour faire à manger, alors s'il se purifie avec cette eau, eh bien il va se faire du mal, parce que si quelqu'un a peur par exemple d'avoir soif, ou bien il a peur que quelqu'un d'autre avec lui ait soif ou des choses comme ça, ou bien un animal, alors bien entendu il n'a pas le droit de prendre cette eau-là pour faire le wudu avec, il doit la garder et il fait le tayammum. Parce que sinon il risque de mourir de soif. D'accord? Thalithan, إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه كمرض أو بمرض أو تأخر برء لقوله تعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله فتيمموا صعيدا طيبا. Donc ça c'est encore une fois, et le cheikh il dit si par exemple tu as peur d'utiliser de l'eau, parce que si tu l'utilises sur ton corps tu vas être malade, ou bien tu es déjà malade mais tu crains que si tu utilises de l'eau tu vas être encore plus malade, ou bien par exemple tu crains que par exemple tu as une blessure et que si tu l'utilises l'eau avec cette blessure-là, ça va s'aggraver la situation, ou bien ça va retarder la guérison. Alors dans ce cas-là, tu dois pas faire le wudu avec de l'eau ou le ghusl avec de l'eau. Tu fais seulement le tayammum. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et si vous êtes malade, hein, wa in kuntum marda ou ala safarin. Donc, ou en voyage, si vous êtes malade ou en voyage ou etc. Donc dans ces cas-là, on peut utiliser le tayammum s'il n'y a pas d'eau. Et il dit, quatrièmement, إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة فليس عنده من يوضئه ويخاف خروج الوقت. Donc si tu as peur, par exemple, ça c'est quatrièmement, si tu es incapable d'utiliser de l'eau à cause d'une maladie, donc si tu es incapable d'utiliser de l'eau à cause d'une maladie et que tu n'es pas capable de bouger à cause de cette maladie là et il n'y a personne qui est là pour te faire ton wudu à ta place, qui va prendre l'eau puis qui va te faire le wudu avec ses mains pour toi, alors dans ce cas là que le temps de la prière sorte de son temps, donc dans ce cas-là, tu fais le tayammum. Tu peux pas bouger, la prière va presque sortir de son temps, et là, il y a personne qui est là pour t'aider, pour faire ton wudu à ta place, pour te le faire, ton wudu. Alors, tu fais le tayammum, mais tu pries. Cinquièmement, إذا خاف بردًا باستعمال الماء ولم يجد ما يسخنه به تيمم وصلى لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. Cinquièmement, si par exemple tu as peur du froid en utilisant de l'eau qui est trop glacée ou froide et t'as rien pour réchauffer l'eau, alors tu peux faire le tayammum et prier dans ce cas-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ne vous tuez pas vous-même. Verset 29 dans Surat al-Nisa. ففي تلك الأحوال يتيمم ويصلي. Dans des cas pareils, il fait le tayammum et il prie. Ensuite, le cheikh dit, وإن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه وتيمم عن الباقي. وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Le cheikh dit, si par exemple tu trouves une quantité d'eau qui est suffisante pour faire seulement une partie de ton wudu, alors le cheikh il dit, tu peux juste faire une partie, puis il y a d'autres parties, l'autre partie tu peux pas le faire parce qu'il y en a pas assez d'eau. Il dit, tu fais ce que tu peux avec l'eau que tu as et pour le reste tu utilises le tayammum. Il dit que, il se base sur un verset qui dit, craignez Allah plus que vous en êtes capable, plus que vous pouvez. Et ça, c'est le verset 16 dans Surat At-Taghabun. Ensuite, il dit, وَإِنْ كَانَ بِهِ جَرْحٍ يَتَضَرَّرُ بِغَسْلِهِ أَوْ مَسْحِهِ بِالْمَاءِ تَيَمَّمَ لَهُ وَغَسَلَ الْبَاقِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Et si par exemple il a une blessure et il craint qu'en faisant le ghusl ou en mettant de l'eau dessus, il risque de s'empirer le mal, alors il fait le tayammum il fait le ghusl pour le reste de son corps, en dehors de excepté la place où il a la blessure, il fait le ghusl pour son corps, le reste de son corps, et il fait le tayammum. Mais le cheikh il dit, وَإِنْ كَانَ جَرْحُهُ لَا يَتَضَرَّرُ بِالْمَسْحِ مَسَحَ الضِّمَادَ الَّذِي فَوْقَهُ بِالْمَاءِ وَكَفَاهُ الْمَسْحُ عَنِ التَّيَمُّمِ. Et si par contre il n'y a pas de problème de il est capable de passer sa main mouillée sur le bandage ou le truc qu'il a mis sur sa blessure, il est capable de passer sa main mouillée par-dessus, alors dans ce cas-là, il n'a pas besoin de faire le tayammum. Ça remplace le tayammum dans ce cas-là. Après, il dit, وَيَجُوزُ التَّيَمُّمْ بِمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ تُرَابٍ وَسَبْخَةٍ وَرَمْلٍ وَغَيْرِهِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ. Il dit, il est permis de faire le tayammum avec toute la terre qui est sur la terre. Et il donne comme exemple la poussière, le sable, les marécages, tout ce qui est poussiéreux ou tout ce qui est sablonneux ou tout ce qui est de la terre. Et bien, c'est permis d'utiliser pour faire le tayammum. Et il dit que ça, c'est la position correcte parmi les paroles des ulama. Et il dit, لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَكَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَصْحَابُهُ إِذَا أَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةَ فَتَيَمَّمُوا بِالْأَرْضِ الَّتِي يُصَلُّونَ عَلَيْهَا تُرَابًا أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُونُوا يَحْمِلُونَ مَعَهُمُ التُّرَابَ. Le cheikh, il dit, la preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, lorsque la prière arrivait et qu'ils étaient quelque part, ils faisaient le tayammum avec la terre qu'ils trouvaient là où ils étaient, que ce soit de la terre ou autre, et ils ne transportaient pas de la poussière avec eux ou de la terre avec eux. Donc ça, c'est expliqué comme ça. Et ensuite il décrit comment on fait le tayammum. Il dit, صفه التيمم ان يضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه ويمسح كفيه براحتيه ويعمم الوجه والكفين بالمسح وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها بدنه جاز ولكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Il dit que la description comment faire le tayammum, c'est que tu frappes un coup sur la terre avec tes doigts entrouverts, tu frappes un coup sur la terre et qu'est-ce que tu fais? Tu frottes ton visage et ensuite tes mains avec, avec la paume de tes mains. Et yani, donc tu frottes complètement ton visage et tes deux mains en frottant. Donc tu frappes un coup et tu frottes ton visage et tes mains. Et ça y est. Et le cheikh il dit que si quelqu'un veut frapper deux fois la terre, c'est-à-dire il frappe une fois sur le sol avec ses mains et qu'il frotte son visage une fois. Et là il frappe encore une fois et là il fait ses mains une deuxième fois, il dit que ça c'est permis. Mais il dit que c'est pas ça la sunna. Il dit que la première description c'est celle qui est rapportée dans le hadith selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça, et il dit que ça c'est qu'est-ce qui est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est rapporté dans un hadith selon Mu'adh et il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est authentique la description du wudu de cette façon. Donc c'est très simple, tu dis bismillah, tu frappes la terre, tu frottes ton visage et tu frottes tes mains et c'est fini. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء عن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس لأن البدل له حكم المبدل. Il dit que qu'est-ce qui annule le tayammum, c'est les mêmes choses que qu'est-ce qui annule ton wudu ou bien ton ghusl. Donc par exemple, qu'est-ce qui annule ton wudu, on l'a expliqué, et qu'est-ce qui annule ton ghusl, comme par exemple une janaba, le fait que tu as des rapports sexuels ou bien tu as tes règles ou bien des écoulements post-natal. Donc dans ce cas-là, tu dois refaire ton tayammum. ويبطل التيمم ايضا وجود الماء. Également, qu'est-ce qui annule ton tayammum, c'est la présence de l'eau. Lorsqu'il y a de l'eau, eh bien, ton tayammum n'est plus valable. إذا كان التيمم لعدمه. Si le tayammum, si tu l'as fait parce qu'il n'y avait pas d'eau, si c'était parce que tu étais malade, eh bien, dans ce cas-là, tu ne peux pas utiliser de l'eau, donc ça annule pas ton. Ça annule pas ton tayammum. C'est seulement quand tu as fait le tayammum à cause de l'absence d'eau. Si tu trouves de l'eau, alors là tu dois faire le tayammum. وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه. Et si par exemple tu as fait le tayammum à cause d'une maladie et que tu deviens comme tu es guéri et que tu crains plus yani la maladie, dans ce cas-là, yani tu dois commencer à prendre de l'eau et ça annule ton tayammum lorsque tu es guéri. Après le cheikh il dit wa min adam al ma al turab ou wa man adim al ma wa al turab ou wasala ila hal la yastati' ma'ahu lams al bashara bima'in wa la turab fa innahu yusalli ala hasab halih بلا وضوء ولا تيمم لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يعيد هذه الصلاة لأنه أتى بما أمر به لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الشيخ الجيسي. Lorsque par exemple quelqu'un n'a pas d'eau ni de terre, ou bien qu'il est arrivé à un point où il n'est plus capable d'utiliser ni de l'eau ni de la terre, il n'est pas capable de toucher sa peau avec ni de l'eau ni de la terre, alors dans ce cas-là il prie dans l'état où il est, sans wudu, sans tayammum. Hein? Quelqu'un qui est arrivé à ce point-là où il peut pas utiliser ni de l'eau ni de la terre, qui n'est pas capable de toucher sa peau avec ni de l'eau ni de la terre, alors dans ce cas-là, il prie tel qu'il est, sans wudu, sans tayammum, parce que le cheikh dit parce que Allah nous a pas demandé de faire quelque chose qui est au-dessus de notre capacité. Et donc le cheikh dit celui qui a fait sa prière comme ça, dans cet état-là, alors il n'a pas à refaire sa prière par la suite, car il a fait ce qui lui était commandé à cause du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit fattaqullaha mastata'tum, et craignez Allah le plus que vous en êtes capable. Et ça, c'est le verset 16 dans sourate At-Taghabun. Et également à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit si je vous ordonne quelque chose, alors faites-en ce que vous en êtes capable. D'accord? Et ça, c'est vraiment dans des cas limites, yani extrêmes. Ensuite, il dit وهذه جملة من أحكام التيمم سقناها لك فإن أشكل عليك شيء منها أو من غيرها فعليك أن تسأل أهل العلم ولا تتساهل في أمر دينك ولا سيما أمر الصلاة التي هي عمود الإسلام فإن الأمر مهم جدا وفقنا الله جميعا للصواب والسداد في القول والعمل وأن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب الدعاء. Cheikh dit que voici un résumé ou une explication générale des règles du tayammum qu'on vous a expliqué. Et s'il y a quelque chose qui est compliqué ou que vous n'avez pas bien compris, alors il faut demander aux ulama, et il ne faut pas négliger ces choses-là dans la religion, parce que surtout la pureté, car ça a un rapport avec la salat, et la salat c'est le pilier de la religion, donc c'est quelque chose de très important. Donc Allah nous donne le succès et qu'il nous aide à arriver à qu'est-ce qui est bien et à être droit dans les paroles et dans les actions, et qu'il fasse en sorte que nos actions soient uniquement faites pour son visage et qu'elles soient sincères et pures. Et c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'audient et qui répond à nos doigts. Le cheikh dit باب في أحكام إزالة النجاسة فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة قال تعالى وثيابك فطهر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها. Le cheikh il dit, de même que comme on a expliqué que c'est nécessaire pour le musulman, c'est commandé pour le musulman qu'il se purifie et qu'il soit pur de toute impureté, qu'il se purifie de toute impureté lorsqu'il veut faire sa salat. Alors on lui demande également de purifier son corps, ses vêtements et l'endroit où il est de toute impureté. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset wa thiyabaka fatahhir, le verset 4 de sourate Al-Muddathir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commandé à une femme de nettoyer ses vêtements du sang des menstruations qui était sur ses vêtements. Comme le cheikh, et ça c'est mentionné dans un hadith selon Asma bint Abi Bakr, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, le Cheikh dit أما لما كان الأمر كذلك تطلب منا أن نلقى الوضوء على أن نلقي الضوء على هذا الموضوع وهو موضوع إزالة النجاسة عارضين لأهم أحكامه رجاء أن ينتفع بذلك من يقرأه من إخواننا المسلمين ولقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصا يسمونه باب إزالة النجاسة أي تطهير موارد النجاسة التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها. Le Cheikh il dit, étant donné que donc la purification est c'est nécessaire de purifier tous les endroits et les vêtements et les choses lorsqu'on veut faire la prière, eh ben il est important de mettre un peu de clarté dans ce sujet-là. Et le Cheikh il dit, c'est-à-dire le sujet de d'enlever les impuretés lorsqu'il y a une impureté sur quelque chose en particulier, donc il faut l'enlever. Et il dit qu'on va expliquer les choses qui sont les plus importantes en ce qui concerne ces règles-là, et on espère, inshallah, que nos frères musulmans vont profiter de ce qu'ils vont lire à ce sujet-là. Et le cheikh il dit que les fuqaha, les ulama du fiqh, rahimahumullah, ils ont établi ou ils ont écrit dans leur livre ce chapitre en particulier. Hein, ils ont fait dans leur livre un chapitre qui parle de cette question-là en particulier, c'est-à-dire d'enlever les impuretés dans le but de purifier toute chose qui pourrait avoir été en contact avec une impureté lorsque c'est un lieu ou un vêtement ou un contenant ou un lit ou un endroit qui est pur et sur lequel il y a une impureté qui s'est déposée, donc de savoir comment le purifier, puis qu'est-ce qui est impur. Le cheikh dit wal aslu alladhi tuzalu bihi an-najasa huwa al-ma' fa huwa al-aslu fi at-tathhir li'anna Allah wasafahu bidhalik kama fi qawlihi ta'ala وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به والنجاسة التي تجب إزالتها إما أن يكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور فهذا يكفي في تطهيره غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. Le Cheikh il dit, et la base dans la purification c'est l'eau, comme on a expliqué ça, pour purifier des impuretés. Donc, la base pour purifier, c'est l'eau. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit l'eau comme étant purifiante en disant « Wa yunazzilu alaykum minas sama'im » Donc, il fait descendre sur vous, pour vous de l'eau, sur vous pour vous purifier, pour que vous puissiez vous purifier avec. Et il dit, c'est quoi les impuretés desquelles il faut se purifier, ou c'est quelle impureté qu'il faut enlever. Il dit que si c'est une impureté qui est sur la surface de la terre, ou bien sur les murs, ou bien dans un bassin, ou sur une pierre, ou des choses de ce genre, alors pour la purifier, il suffit uniquement de le laver une seule fois pour enlever le corps de l'impureté qui est dessus. C'est-à-dire, le Cheikh dit, « Bima'na annaha » تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول العربي الذي بال في المسجد. Le Cheikh il dit que qu'est-ce que tu fais lorsqu'il y a une impureté qui est sur le sol ou sur la terre ou des choses comme ça, ou sur une pierre ou un mur ou des choses comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies de l'eau dessus, tu verses de l'eau dessus une fois, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux sahaba de verser de l'eau à l'endroit où le bédouin avait uriné dans la mosquée. Lorsqu'il y a un bédouin qui est venu et qu'il a uriné dans un des coins de la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux sahaba de verser de l'eau dessus. Après il dit, et ça c'est rapporté par Bukhari et Muslim selon Anas, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول. De même que si il y a de l'eau de pluie qui est tombée dessus, ou bien l'eau qui coule après la pluie dans la rue, quand il y a des ruisseaux d'eau qui coulent dans la rue comme ça, ça purifie, ça enlève les impuretés. فإذا زالت بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها كفى ذلك في التطهير. Donc si par exemple l'eau qu'on a versée ou l'eau de pluie ça a été suffisant, ou bien l'eau qui coule dans quelque part, ça a été suffisant pour faire enlever l'impureté, alors ça, ça suffit comme purification. Sinon, ben, bien entendu, il faut enlever le corps de l'impureté, puis frotter si c'est nécessaire. Ensuite, le cheikh, il dit, وَإِنْ كَانَتَ النَّجَاسَ عَلَى غَيْرِ الْأَرْضِ وَمَا اتَّصَلَ بِهَا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا فَتَطْهِيرُهَا بِسَبْغِ أَوْ بِسَبْعِ غَسْلَاتٍ إحداهن بالتراب بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات. Donc le cheikh il dit, si l'impureté est sur autre chose que sur la terre, yani si une chose a été en contact avec une impureté autre que quelque chose qui est sur la terre, autre que la terre, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme par exemple, il dit, si c'est un chien par exemple, ou un porc, ou tout ce qui sort, ou tout ce qui découle de ces deux animaux-là, il dit, pour les nettoyer, il faut les laver 7 fois, et avec pour une de ces fois-là, il faut le laver avec de la terre. Hein? Une de ces 7 fois-là, avec de la terre. وَيُجْعَلُ التُّرَابْ مَعَ إِحْدَى الْغَسْلَاتِ. Il faut utiliser de la terre dans une des 7 qu'on nettoie. Et ça, c'est basé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا وَأُولَهُنَّ بِالتُّرَابِ رَوَاهُ مُسْلِمْ. Donc, le cheikh, il dit que lorsque le chien a mangé dans un de vos contenants, alors lavez-le 7 fois, et une d'entre ces fois, lavez-le avec de la terre. La première d'entre ces fois-là avec de la terre. Et ça a été rapporté par Muslim et par d'autres, parmi les ulama. Et le cheikh, il dit, هَذَا الْحُكْمُ عَامٌ فِي الْإِنَاءِ وَغَيْرِهِ. Le cheikh, il dit que le verdict à ce sujet-là, c'est général pour l'eau, c'est général pour le contenant, et pour autre que le contenant, comme les vêtements, كَالثِّيَابِ وَالْفُرُشِ. Et par contre, à ce sujet-là, il y a une différence d'opinion. Certains ulama, ils disent que c'est uniquement pour le chien, et il y en a qui disent que c'est uniquement pour le chien et le porc, et ils disent que c'est uniquement pour les contenants. En ce qui concerne les vêtements ou les choses comme ça, ça, tu as seulement besoin de le laver comme il faut jusqu'à ce que l'impureté s'en aille. Donc le cheikh il dit, وَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَةٌ غَيْرِ كَلْبٍ أَوْ وَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَةُ غَيْرِ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالدَّمِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهَا تُغْسَلُ بِالْمَاءِ مَعَ الْفَرْكِ وَالْعَصْرِ حَتَّى تَزُولُ فَلَا يَبْقَى لَهَا عَيْنٌ وَلَا لَوْنٌ. Le cheikh il dit, mais si par exemple l'impureté sur les vêtements ou sur autre chose, c'est pas une impureté de chien ou de porc, comme par exemple s'il y a eu de l'urine ou des excréments ou du sang sur un vêtement ou sur quelque chose, eh ben qu'est-ce qu'on fait? On le tord, on le lave avec de l'eau, puis on le frotte, hein, on le gratte, on le frotte. Ou bien on utilise un moyen pour faire sortir cette impureté-là du matériel en question, jusqu'à ce que ce soit disparu ou que ce soit parti, le corps ou le plus gros ou la couleur de cette impureté-là. وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ وَمَوْضِعُ نَجَاسَةٍ فِي بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ صغيرة كمصلى صغير وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه حتى يجزم بزواله إن لم يدر في أي جهة منه غسله جميعه. En fait, on a presque fini. Il dit, si par exemple tu sais pas exactement où est l'endroit de l'impureté sur un vêtement ou bien dans une espace, par exemple, t'es dans un petit endroit où on fait la prière et tu n'es pas certain exactement où est-ce qu'est tombée l'impureté. Alors le cheikh il dit, c'est obligatoire de laver l'endroit où tu as le plus de, où tu penses le plus, où il y a, où il peut y avoir cette impureté là. Par exemple, tu penses que l'impureté est dans un endroit précis et t'as plus, t'as une idée plus précise de, tu dis c'est environ dans cet endroit là, alors tu laves cet endroit là, c'est obligatoire. Mais si Yanni, tu peux pas être certain et tu n'es pas sûr, dans ce cas là tu laves tout, tu laves tout au complet. Donc si par exemple sur un vêtement il y a une goutte d'urine quelque part et tu sais pas exactement où il est, mais tu te dis bon, ça doit être environ dans cet endroit là, tu le laves avec de l'eau pour, jusqu'à ce que tu sois certain qu'elle soit partie. Mais si tu n'es pas certain de l'endroit exact de l'impureté sur ce vêtement là, alors tu le laves au complet. D'accord. Et le cheikh il dit yakfi fi tathhir bawl al ghulam alladhi lam ya'kul al ta'am rashuhu bil ma' li hadith ummi qais annaha atat bi ibn laha saghir لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه. Donc il dit que lorsque c'est un petit garçon, un petit bébé qui n'a pas encore commencé à manger de la nourriture, il est encore il allait encore, alors son urine est tombée sur tes vêtements, c'est pas nécessaire de le laver, tu peux juste asperger de l'eau sur l'endroit où l'urine du bébé est tombée. Et ça c'est uniquement pour le bébé qui est mâle ou garçon, puis qui n'a pas encore commencé à manger. D'accord? Parce qu'il y a un hadith qui est rapporté à ce sujet-là, qu'un enfant qu'une femme avait amené, c'était Umm Qais, elle avait amené son petit garçon. Et il s'est assis sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a uriné sur son vêtement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de l'eau et puis il a uniquement aspergé sur l'endroit de son vêtement sans le laver. Et ça c'est authentique, yani muttafaq alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le cheikh il dit ensuite wa in kana ya'kulu at-ta'am li shahwati wa ikhtiyar فبوله مثل بول الكبير وكذا بول الأنثى الصغيرة مثل بول الكبيرة وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات. شيخ الزي mais si l'enfant il commence à manger de la nourriture normale et qu'il le désire, la nourriture et ces choses là, donc son urine est comme l'urine de l'adulte. Et également l'urine de la petite fille, de l'enfant, la fille, elle est pas comme le garçon, elle, son urine c'est comme l'urine de l'adulte. Et dans tous les cas, yani, il faut, dans les cas de ces cas-là, yani, pour l'adulte ou bien le bébé-fille ou l'enfant qui commence à manger, il faut laver le vêtement en entier, comme le reste des impuretés. Donc on va s'arrêter ici, même si on n'a pas terminé. Puis on va continuer ça, inshallah, la semaine prochaine. Il nous reste pas grand-chose. Puis on fera ça pour samedi prochain, inshallah, puisque le temps avance. Donc, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa zadakumullahu ilman wa hudan wa tawfiqa. Et subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.